88e leçon. Le petit écran. De plus en plus, la télévision prend une place majeure dans notre vie, qu'on le veuille ou non. Les téléviseurs sont partout. Presque tous les foyers en possèdent au moins un. Et le nombre de chaînes augmente d'année en année. Avec le câble et le satellite, on peut en recevoir jusqu'à 200 ou 300. En France, la télé, comme on dit, est financée en partie par la publicité et, dans le cas des chaînes publiques, par la redevance audiovisuelle. Côté émission, il y en a pour tous les goûts. Une soirée typique commencera avec un jeu et une série, suivi du journal et de la météo. On enchaîne avec un divertissement ou un téléfilm, peut-être une soirée thématique. Certaines chaînes propose des films inédits à la télévision, qu'on peut acheter à la séance avec une télécommande. Mais il y a ceux qui ne supportent pas le petit écran. Comme cette femme qui confie à son amie « Mon fils regarde tellement la télé que si tu lui dis « Viens regarder ce magnifique coucher de soleil », il te demande « C'est sur quelle chaîne ?» Exercice. Inutile de discuter. Il viendra qu'on le veuille ou non. Viens vite regarder cette émission. C'est hilarant. Je veux regarder la météo. C'est sur quelle chaîne ? Son livre est inédit en France. Je ne supporte pas la télé.